La cave épisode 16, Old Boy. Salut! Bonjour tout le monde! Salut, man! Ah, je suis content de t'avoir. Ouais. Dans la vraie vie, là. Pas juste dans le podcast. Vraiment. On dirait qu'on est fébrile, là. On est plein d'émotions. Ouais, on sait pas trop où aller, mais. Chris, on s'excuse pas. Non, on s'excuse pas. Hey, mais on est pas bon, ça fait plus que 2 ans, ça n'a pas de sens. Ouais. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, man. Je me suis posé cette question-là. Moi, il y a beaucoup de monde m'ont parlé de la cave. T'sais, vraiment? Ben, en fait, non. Pas beaucoup. Deux personnes mais qui c'est ont reparlé beaucoup. Il y a pas beaucoup de monde m'en ont parlé, mais c'est qu'à chaque fois que quelqu'un m'en parlait, ça me surprenait tellement okay, que j'avais l'impression, c'est ça. Fait qu'il y a peut-être 4 personnes en 2 ans. On espère que ces 4 personnes-là nous écoutent. Puis à chaque fois, il était comme, pourquoi ça existe plus, tu sais? Puis j'étais comme, je sais pas. OK, au moins il y avait le pu. Ouais. Pas juste pourquoi ça existe. Non, c'est ça, non. Fait que j'étais comme, je sais pas pourquoi on a arrêté. Il s'est passé beaucoup d'affaires dans nos vies. Ouais. On a déménagé, toi t'es plus dans une cave. C'est ça. Ouais, là, on brise la magie, là, mais ouais. On n'est pas dans une cave. Est-ce qu'il faut rebaptiser, genre l'étage? Ou le comble? L'étage, ouais, l'étage, c'est bon, ça. Si on veut y aller plus facile, on peut dire les caves. Ouais, ça, c'est vrai. Les caves à l'étage. T'sais? Non, mais ça va rester. On va juste rester, ouais, oui. Ouais, ça, mais c'est des bonnes idées. J'apprécie. Non. Puis, ben, c'est ça, tu sais, je me demande, t'avais-tu une blonde quand on faisait la cave? Oui, t'étais avec Marie. Ben, je sais pas si le premier de mes... M'excuse. Mais... mais je sais que le dernier épisode, on était ensemble, ça allait bien. Puis là, on a déménagé après le dernier épisode. Ouais. Puis ça va toujours bien. Ouais. Puis c'est la vie ensemble. Ouais. C'est un autre univers, mais ben, ça va bien, mais... Ben, c'est ça. Moi, j'ai eu le temps d'avoir une blonde, de déménager avec, de me séparer, de déménager ailleurs et d'avoir une nouvelle blonde. À travers ça, j'ai fait 3 BD, je pense. OK. Fait que... T'as changé 2 fois de lunettes. Ouais, pis c'est ça. Puis mais je suis content, même, qu'on décide de le refaire. Ben oui. Parce que, à la base, faire ce podcast-là, c'était pour nous deux, tu sais, pour... ça l'est encore, puis c'est pour partager, puis les gens qui choisissent de nous écouter, c'est leur choix. Ouais. Puis ils peuvent arrêter ou ils peuvent continuer. C'est ça. J'avais toujours peur de que ce soit trop masturbatoire, puis que c'est juste entre nous deux, mais si les 4 personnes en parlent, écoute... Ouais. Ben oui. On est correct. Ben oui, puis c'est correct si on se branle ensemble aussi. Là. Ça, on n'est pas obligé de... Ça, non. Mais non, c'est vrai que t'sais, c'est pas un show standard. T'sais, même, je veux dire, la qualité est pas comparable à des shows comme Carré Croupe ou Noël qualité... chez Silon. J'ai pas encore écouté, mais j'ai très hâte. Ah, c'est super bon, man. C'est un gros travail derrière. Le premier, c'est vraiment une intro. Mais tu vois que la qualité est vraiment là. Le deuxième, il est malade. Okay. Le deuxième, tu fais comme shit. Puis c'est Simon Chénier qui est l'animateur principal, mais c'est lui aussi qui monte. Parce qu'il y a extrêmement beaucoup de montage post-enregistrement. Oui. Fait qu'ils vont parler de quelque chose, ils vont mettre l'extrait. Tu sais, entre les segments, il y a des petites répliques de films. Okay. C'est pour vrai, là, Simon. Il y a vraiment carte blanche, puis il se donne à fond. Puis... Ouais. Et tu sens qu'ils ont vraiment de matériel pour faire plein d'épisodes uniquement sur Noël? C'est surprenant, là, mais oui. Puis je sais pas, t'as-tu Instagram, toi, dans la vie? Je vais voir, mais je l'ai pas. OK. Mais Simon, je pense qu'il poste genre entre 1 et 2 photos par jour. de ouais, trucs qui ont rapport. Ben, je le vois sur Facebook, puis je me dis, Chris, vas-tu se brûler? Vas-tu écouler son stock? Mais... Parce que moi aussi, la première affaire, j'étais comme, y a-tu assez d'affaires à jaser de Noël? Mm-hmm. Mais c'est parce que Simon, il va tellement deep, puis il remarque tout ce qui a rapport avec Noël, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On écoutait un Jason l'autre fois, puis il y avait un Père Noël, puis il le prend en photo, genre, puis j'étais comme, OK, le gars, il est pas arrêtable. Là, après ça, il m'en parlait, puis j'étais comme, ah, oh, man, tu sais, il y a Lobo. Oui, ah oui, ben, bon, ben, c'est le temps de le présenter. On a un nouveau collaborateur qui s'appelle Edgar. Allô? C'est le chat de mon coloc. Salut. Ouais. Et ça se peut qu'il fasse ça souvent, mais c'est très désagréable. Mais en même temps, je suis tellement content de partager ça avec les auditeurs. Okay. Parce que moi, je souffre seul là-dedans. C'est un chat qui est en fait possédé par un démon. Et qui va juste miauler comme une espèce de cirouillé qui grince pour rien. Pour absolument rien. Fait que des fois, il va venir à côté de toi, puis il va juste faire... Et hier, il m'a empêché de dormir toute la nuit pour ça. Okay. Donc, je suis content de partager ça avec les auditeurs. Il est correct, il y a de la vie, lui, ici. Il est chill. Ouais, ouais, il est super chill. Fait qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est ça, Noël chez Isidore. J'y ai fait remarquer que j'avais une BD de Lobo, le personnage de DC. Oui. L'espèce de gros métal. Avec des chaînes. Oui, avec des chaînes. Qui est dans Injustice, le jeu de combat. Non, oui. Ça se peut. Je pense que oui. Ça se peut. Bref, j'ai une BD de lui qui se bat contre le Père Noël. Fait que j'étais comme Simon. Si tu veux m'inviter, on va parler de Lobo qui se bat contre le Père Noël. Fait cool. Que, ouais. Excellent. Continue mystérieux, encore. C'est une base régulière. Ouais, quand même. J'y vais moins souvent, là, parce que je travaille beaucoup. Mm-hmm. Et, fait que, tu sais, j'y vais... j'essaie d'y aller, là, 3 fois par mois. C'est bon. Fait que, avant, j'étais là vraiment à chaque semaine, mais là, j'y vais... Tu sais, je manque souvent une semaine par mois, là, t'sais. Puis c'est ça, man, c'est toujours aussi fun dans le studio, le nouveau studio. C'est ça, man, qu'on devrait faire. Moi, j'ai deux questions pour toi. Ouais. Est-ce que Noël chez Isidore ont parti leur Patreon? Non. OK, on se part-tu un Patreon? On se part un Patreon ou... ouais, OK, on se part un Patreon, puis on demande qu'est-ce qu'on donne en échange? Mettons, le monde, il y a quelqu'un de débile là, qui nous donne 5 000$. Ah, faut donner les choses. Ben, idéalement, hein, c'est... Bon, peut-être un peu plus ponctuel que l'épisode au 3 ans. Ah, mais c'est fou. J'écoute un autre podcast que je pense que t'aimerais beaucoup qui s'appelle The Last Podcast on the Left. Tu m'en as déjà parlé, c'est, ouais. C'est pas Kevin Smith? Non, c'est 3 dudes qui parlent de plein d'affaires, genre un peu morbides, weird, genre... Comme le chat. Ouais, comme le chat, mais tu sais, ils vont parler de autant de d'espèces de true crime occulte, autant que des films d'horreur. Okay. Mais tu sais, ils font beaucoup de recherches. Ils ont des épisodes sur des tueurs en série et tout. Ils se sont partis à un Patreon. Puis je pense qu'ils font 2 000$ par semaine. Puis ils font un show par semaine? Ouais. Wow. C'est fou, pareil. Non, attends, qu'est-ce que je dis là? Ils font 20 000$ par mois. Ils font 20 000 par mois. D'où? Fait qu'ils ont lâché leur day job. Mais crissement, ils ont leur... Fait que, imagine, ça nous arrive. Ça. Non. J'aimerais pas ça faire 100 000$ par mois pour, genre, parler de vieilles affaires. Non, mais je souhaite à Ben puis au mystérieux. Puis, Ouais. Ouais, Ben, il mérite plus que nous autres. Pas mal. Ouais. OK. Bon, ben, on lâche pas notre tradition. Mmh. Contrairement au mystérieux, nous, on peut fumer en studio et boire de la bière. Ouais. Fait que, cheers, man. Santé. À nos retrouvailles. Ben oui. Salut, Michel. Salut, Michel. Comme toujours. Mmh. Fait qu'on recommence où on était parti. Ça n'a pas très changé. On va plonger dans le passé parce que le futur nous fait peur, puis le présent, on n'est pas à l'aise. Fait que... Je l'aime, cette phrase. Je trouve que c'est très beau comme ça. Ben oui, on repart direct où c'est qu'on était. En fait, on s'est croisés d'un événement, puis je t'ai proposé qu'on en refasse la cave, puis t'étais comme OK, mais tu sais, sur quel sujet on le ferait? Puis j'ai spontanément répondu, Old Boy. Oui, oui. C'est un film qu'on aime, qui est bon. Oui. Ça fait longtemps que j'avais vu. Ouais. Ouais. Puis tu te rappelles-tu comment tu l'as connu, ce film-là? Oui, parce que c'est notre marque de commerce de se demander comment on a connu ça. C'est mais ça, ouais. Je sais pas si j'avais déjà dit ça à d'autres épisodes, mais je pense pas pouvoir te répondre. Je me rappelle, mais c'est vague, c'est flou. J'ai okay. C'était à l'université, sûrement que c'était dans le temps que je downloadais des films avant iTunes.videovoutron.com. Ouais. Mais c'était sûrement dans les séries de films asiatiques, japonais, coréens que je suis tombé là-dessus. OK. Mais je suis pas mal certain que c'est le premier que j'ai vu du réalisateur Park Chan-wook, parce que c'est le deuxième dans une trilogie. Ouais. Le premier, c'est Sympathy for Mr. Vengeance. Le troisième, c'est Sympathy for Lady Vengeance. Ouais. Fait que je suis pas mal sûr que j'avais vu Old Boy avant Mr. Vengeance. Ouais. C'est fucké parce que je me rappelle pas où tu l'as vu, mais je me rappelle que tu m'en as parlé après de l'avoir vu. OK. Fait que je sais pas si... Je pense que tu l'avais downloadé ou commandé ou quelque chose. Mm-hmm. Puis on était chez tes parents... Puis tu m'as tout de suite dit que, man, j'ai écouté un film malade, faut absolument que tu vois ça. Mm-hmm. Puis tu m'as comme rapidement résumé le truc, c'est ce qui est désagréable. Hein? Tu m'as rapidement résumé le truc, puis je m'étais dit dans ma tête, ah, oh, ça a l'air lame. Ouais. C'est intense, hein? Ouais. Bon. C'est quoi son nom? Edgar. Edgar. Salut! Ah, yes, je suis content, parce qu'en plus, j'en ai parlé au Mystérieux, comment que... OK, mais tu l'apportes pas au Mystérieux. Non, mais un jour, on va aller en Salut. Visite quelque part, puis on n'en reviendra pas, hein? Oh. Non, je rêve secrètement de tuer ça, là, pour vrai. Je suis pas violent envers les animaux, mais lui, là, des fois... T'aimes une saine vie... Ouais. On t'aime, Edgar. Ah, il est malade. Fait que. Comment je t'avais résumé ça? Tu m'avais résumé ça du genre. C'est un gars qui fait de la prison full longtemps. Puis là, il sort. Puis il veut se venger, mais il sait pas pourquoi. Tu sais, il sait pas pourquoi il est emprisonné. Puis okay. C'est comme le comte de Monte Cristo. Puis là, j'avais fait. Okay. Oh. Juste la différence littéraire, t'as fait. Oh. Non, c'était comme, j'avais l'impression que c'était lent, puis long, puis j'avais l'impression qu'on suivait l'histoire du personnage enfermé en okay. prison. OK. Tandis que dans le film, ça dure 15 minutes, ça, même pas. Ben, je t'avais peut-être fait écouter ou parler d'autres films qui sont plus lents ou contemplatifs, c'est peut-être moins ta tasse de thé. C'est peut-être là que j'ai fait l'association okay. avec un pas autre encore, film. Ça, j'ai aucune idée. Mais j'avais fait que, ah, je sais pas. Puis finalement, tu m'avais invité à l'écouter chez toi le soir. Mm-hmm. Puis je pense qu'on était avec un autre de nos amis, Angus. Oui, c'est ça, j'ai un souvenir. Ouais. Puis, j'ai pas du tout la fin, mais quand le film s'est terminé, c'est un. Ce qu'on voit à l'écran, c'est quelque chose d'un peu plus lumineux que tout ce qu'on a vu dans les dernières 2 heures, à peu près. Ouais. Puis il y avait un papillon qui est venu se poser sur l'écran d'ordi. Oui! C'était comme toute une dot. Oui! Ça faisait genre... C'était ultra poétique, là. Ouais. Ouais, ouais, c'est malade. Mais c'est ça, ce que je me rappelle, c'est qu'on a tous des goûts un peu différents, mais on se rejoint sur des choses, des fois oui, des fois non. Puis là, c'était vraiment unanime. Tout le monde avait adoré, tout le monde avait été marqué par le film. Oh, ouais, puis moi, je me rappelle que je t'avais demandé tout de suite de me faire une copie parce que, genre, je voulais le réécouter. Là. Le feeling que j'avais eu... C'est la première fois que je le voyais, c'est ça, c'était chez nous. Ouais, puis le feeling que j'avais eu après, c'était comme, hein, c'est ça un film parfait. Ah oui, t'sais, c'était point comme là. Mais aussi, tu sais, on était beaucoup plus jeunes, on avait 18 ou 19, tu sais. On avait vu d'autres choses avant, quand même. De la crap, puis des choses bonnes qui nous avaient marqué aussi. Là. Ouais. Mais c'était, ça m'avait marqué le comment que le scénario était bien ficelé, parce que c'est une prémisse qui est un peu ridicule. et qui se tient pas vraiment debout. Tu sais, quand tu décris ça, tu fais que, mais non, mais ça se peut pas, ça a pas de bon sens. C'est pour ça que t'as eu ta réaction initiale de. Ouais, je sais pas, là. Ouais, tu sais. Ouais. Puis à travers le film, tout le long, tu te poses des questions de genre, ben voyons, tu sais, comment est-ce possible? Et ils réussissent quand même à bien ficeler ça pour que ce soit crédible dans son propre univers, tu sais. Mm-hmm. Ça tout fait du sens, il y a une réponse à tout. Puis tout ça tient, tu sais. Mm-hmm. Et j'imagine que toi aussi, c'était le premier film du réalisateur Park Chan-wook. Tu le découvrais avec ce film-là. Ouais, et Lady Vengeance n'était pas sorti encore. C'est ça. Après ça, j'ai tout de suite été voir Sympathy for Mr. Vengeance. Oui. Et je pense que c'est mon préféré dans la trilogie. Ah oui? Ouais. Ça fait encore plus longtemps que je l'ai pas vu, mais... Tu sais, j'aime vraiment, vraiment beaucoup Old Boy, c'est un de mes films préférés, mm-hmm. mais Sympathy, je trouve que c'est encore une petite coche au-dessus. OK. Pas dans le sens, tu sais, meilleur, mm-hmm. parce que les deux films sont extraordinaires, mais... plus, mais c'est plus... Dans mes goûts à moi, ouais. Le souvenir, c'est beaucoup plus brut, là. Et bizarrement, beaucoup plus drôle. Ah oui? Il y a plus d'humour dedans, et comme tu dis, il est plus sale, mm-hmm. il est plus... Mais tu sais, il y a une séquence, puis là, on fera pas... Je veux pas qu'on parle de ça longtemps, là, mais... juste pour donner le ton du film, il y a une séquence où c'est plein de jeunes ados qui oui. se collent ben, l'oreille ben sur le mur. C'est comique, tragique. En fait, le film ouvre comme ça. C'est... De l'autre côté, il y a une fille qui est en train de s'étouffer, je pense. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est plein de jeunes ados qui se collent l'oreille sur le mur en se masturbant oui. parce qu'ils entendent des cris de jouissance. Fait que juste qu'ils pensent être des cris de jouissance. Fait que c'est ça. Juste cette séquence-là, tu sais, c'est très ridicule, là, de voir un paquet de jeunes en train de se crosser. Ça, en fait, on n'a jamais fait ça dans la cave. Non, on n'a jamais fait ça dans la cave. Et là, finalement, bon, la caméra traverse le mur pour voir que finalement, c'est pas des cris de jouissance, mais des cris d'agonie, mm-hmm. D'une jeune femme qui est gravement malade puis qui est traitée à la maison. Et ça continue encore le mouvement de caméra pour voir que elle n'est pas seule, elle est accompagnée de son frère, mm-hmm. mais qui est sourd. C'est donc ça. Son frère est juste à côté et il l'entend pas agoniser. Mm-hmm. Puis ça, je trouve que ça décrit bien le ton de Sympathy for Mr. Vengeance, c'est-à-dire c'est absurde, c'est ironique, mais maudit que c'est trash puis triste en même temps. Là. Oui, la ligne est très mince entre la tragédie puis la comédie. Là. Ouais. Oui. Puis on retrouve ça aussi un peu dans Old Boy, je trouve. Oui. Moi, c'est ça qui m'a marqué le plus en le réécoutant, là, c'est comment il y a beaucoup d'humour dans le film. Même si c'est très dark et très... Mais... Je pense avec le propos, puis le scénario, puis la lourdeur du film, que tu t'y attends pas. Puis c'est juste comme une petite pointe, puis ça passe comme une seconde. Puis ok, puis t'es déstabilisé, puis après ça, on retourne dans la grosse tragédie. Ouais, c'est ça, c'est exact. Il sort de l'humour un peu pour nous déstabiliser par moment, puis mm-hmm. ça marche tout le temps. Là. Ouais. C'est un scénario que j'ai l'impression qui a été réécrit beaucoup, tu sais, qui fine-tune, tu sais. C'est à la base... une adaptation libre, entre guillemets, je pense, d'un manga que j'ai pas lu. Ah ouais? Oui. Mais okay. Je pense que c'est la prémisse, là. OK. C'est certain, comme tu dis, il y a dû avoir de l'adaptation puis de la réécriture, quoi. Parce que j'ai déjà vu le manga passer comme en librairie et tout. J'ai tout le temps pensé que c'était à l'inverse, que le manga venait du film. Ah, mais c'est intéressant, ça. Mm-hmm. Puis c'est un manga ou un manhwa? C'est japonais, c'est un manga, ouais. OK, parce que le film est coréen. Je pense que dans les débuts de vagues de films coréens avec une violence très brute et un autre type de cinéma dans ta face, ou je sais pas trop. Ouais. C'est 2003. Faut rappeler que c'est peut-être comme ça que j'ai entendu parler, c'est qu'il avait été passé à Cannes, puis il avait gagné la Palme d'Or à Cannes. L'année où que Tarantino était le président d'honneur, je pense, le jury d'honneur. C'est ça. Et qui a peut-être aidé, là. Ah non, c'est clair, c'est ça. Mais moi, je m'étais commandé le DVD coréen par la suite, peu de temps après. Que j'ai réécouté il y a deux jours et qui a gelé à une scène. Fait que... C'est où qu'il a planté? Une scène de... scène de torture. Que, ah ouais, pas vrai? Ouais. Mais il est disponible sur le Fix, alors vous pouvez aller regarder ça. OK. Ouais. C'est non mais c'est ça, c'est que ça l'a marqué une nouvelle ère, puis même tu sais il y a eu une influence aussi dans Hollywood ce film là je pense. À l'époque, puis c'est ça qui est drôle de réécouter, à l'époque c'était un genre de, c'était un nouveau type de visuel, on n'avait pas vu de film qui ressemblait à ça visuellement. Tu trouves? À l'époque, ouais. Là, moi, je trouvais que c'était révolutionnaire. 2003? Ouais. Emily Blunt, c'est quelle année? Ben, c'est ça. C'est ça. Que j'allais dire. C'est que la plastique ressemble beaucoup au cinéma de Jean-Pierre Jeunet, puis même, il y a une petite parabole quand un des personnages, c'est juste un flashback de deux minutes, puis quelque chose d'un peu surréel, et comme dans un métro, puis les grosses larmes, le mascara, puis je sais pas si elle vient se faire domper ou une épreuve difficile, puis elle regarde, elle est tout seule, puis... Dans le fond, il y a comme un énorme cafard qui la salue, fait que c'était... Ouais. Mais ça juste... Ça fait fou la Amélie Poulain, ça. C'est ça, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, mais juste dans l'esthétique, c'était dans ta face, mais pas... C'est bien... C'était pas trop, c'était pas sur-stylisé. Ouais, mais c'est ça. Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est peut-être... J'ai peut-être de la misère à mettre le doigt dessus, là. Mais il y avait quelque chose de frais là-dedans, il y a quelque chose de nouveau. Oui. Fait que je sais pas si c'est le mix des influences avec une esthétique un peu plus Amélie Poulain, mixé avec l'extrême violence. Tu sais, je sais pas. Je sais pas c'est quoi, mais en le réécoutant, j'étais comme, ah oui, ça me rappelait qu'à l'époque, j'avais jamais rien vu qui ressemblait à ça. Oui. Ça, je trouvais ça cool. Comme tu dis, cette séquence-là, il y a très peu de CGI, mais il est tout le temps bien utilisé, les espèces de fourmis qui sortent de sa peau. Oui. T'sais, lui qui sort de l'espèce de valise. Aussi, c'est un espèce de plan qui fait full Jeunet, là, t'sais, ça fait full Amélie Poulain avec tout le gazon vert autour. Et la fameuse scène du corridor. Que ça n'a pas de bon sens. Là. Et ça, c'est très tôt dans le film. Dans ma tête, c'était comme au milieu du film, mais c'est vraiment dans le premier tiers. Oui, à peu près. Puis. La scène que tu fais référence, c'est un plan séquence de 7-8 minutes, peut-être. Ouais. Environ. Ouais. Le personnage principal qui s'est fait emprisonner s'appelle Au-dessous. Et il a été confiné à un espace. Comme un petit appart, puis il se fait livrer de la bouffe, j'imagine, au même moment de la journée, puis il sait pas pourquoi il est emprisonné, puis il a aucun moyen de sortir, aucun moyen de savoir pourquoi. Puis en même temps qu'il le vit, ben il y a sa voix d'aujourd'hui qui fait la narration pour expliquer qu'il se demande est-ce que ça aurait été plus facile à endurer s'il savait que ça allait durer 15 ans, finalement. Ouais. Fait que c'est ça, finalement, il sort, il est laissé au monde, il comprend pas pourquoi, il se fait donner de l'argent, puis ensuite, c'est comme, il reçoit un appel de la personne qui l'a kidnappé, entre guillemets, pour lui dire que, trouve pourquoi t'as mérité ça, puis viens me trouver. Ouais. Sinon, je vais tuer, genre, les seules personnes que t'aimes, tu sais. Donc, je vais tuer ton amoureuse ou ta fille ou peu importe. Faut le dire, là, la trilogie s'appelle la trilogie de la vengeance, donc c'est un film de vengeance. sauf que ce qui est le fun, puis moi c'est ça que j'adore de ce type de scénario-là, c'est que tu penses que c'est sa vengeance à lui, au-dessous. Au début, tu penses que c'est ça le focus. Finalement, tu te rends compte que, ah, c'est peut-être... Il y a plus que ça. Il y a plus que ça, tu sais. Ouais. Mais juste pour revenir un peu en arrière, la séquence qui parlait, c'était le long plan de séquence. C'est ça. Donc là, il commence à assembler les pièces du casse-tête. Il y a des pistes. Finalement, il retrouve la place où il a été emprisonné. Ouais. Puis là, il tombe sur une organisation, puis... C'est ça. Il confronte le boss de cette organisation-là qui gère ces mini-prisons-là. Mm. Puis ensuite, il sort. Puis il doit affronter toute la vingtaine de gars qui sont à... qui protègent ce gars-là, finalement. Là. Ouais, armé de seulement un marteau. Oui. Contre, genre, 20 gars d'un corridor. Ouais. Qui ont des genres de bâtons de bambou qui pètent, je sais pas trop. Ouais. Puis, moi, ce que j'aime le plus de la réalisation, c'est qu'évidemment, c'est un plan de séquence, mais tu vois qu'il est de plus en plus épuisé. Oui. Et tout le monde est de plus en plus épuisé. Ah oui. Puis même des fois, tu sais, il s'accote sur le mur, genre, tu sais, comme... Il reprend son souffle, il est fucking plus capable, mais il continue jusqu'à la scène finale. Mm-hmm. Et ça, pour les auditeurs, si ça vous dit quelque chose, ben, c'est la scène dans Daredevil. Dans la saison de Netflix. T'as-tu écouté Daredevil? Ah. T'as-tu écouté? Non. T'as-tu Netflix chez vous? Ben oui. T'as Netflix? Je te conseille juste l'épisode, si tu veux pas tout te taper, là, l'épisode 2 de la première saison de Daredevil. OK. Ils ont refait un espèce d'hommage à cette scène-là, où Daredevil se bat contre 20 gars dans un corridor, et c'est un plan de séquence, et c'est magnifique. Ça va être plus court, par exemple? C'est un peu plus court, mais j'ai l'impression qu'on exagère quand on dit 7-8 minutes, c'est peut-être plus 3, là, t'sais. Faudrait le chronométrer, mais okay. C'est quand même, je l'ai réécouté tantôt, là, pis c'est pas si long que ça. Mais c'est juste que la première fois, tu t'en reviens pas, puis le fait que ça coupe pas, ça te prend à gorge, tu sais, tu deviens soufflé comme le personnage, tu sais. Il y a un travelling horizontal, mais ça coupe pas. Puis il y a qu'un élément de 3D, de post-production, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage qui. Il y a un des parfums. Qui plante un couteau dans le dos. Ouais. Ça, il est en 3D, le couteau. OK. Ah, je savais même pas ça. Ouais. Puis il reste tout le long. Ouais? Ouais. Ah, c'est bien fait, ça. Ouais. C'est comme dans Irréversible, la scène de viol, le pénis est en 3D. OK. Ouais, il y a full 3D dans Irréversible. Mmh. J'avais vu un documentaire là-dessus, puis c'est okay. Comme... Bon, c'est... on s'en douterait pas. Non, c'est ça. C'est que c'est ultra CGI tout le long. Mais tu le vois pas parce que t'es dans l'histoire pis c'est vraiment bien fait, c'est frame par frame. Mais ouais, Gaspard Noé, il est fort là-dessus. Enter the Void, là. T'as-tu vu Enter the Void? Pas encore. Ah, c'est malade et tout. Mais je voudrais pas voir une trilogie de la vengeance par Gaspard Noé. Ben, tu ris, mais tu sais, des fois, on se fait des genres de marathons de films, là. Pis moi, un moment donné, j'ai eu la bonne idée de me faire un marathon Lars von Trier. OK. C'est décalissant, ça. Ouais. À la fin de la semaine, là, je pense que je me tapais 3 films de Lars von Trier par jour pendant genre 3-4 jours. Là. Puis là, tu travaillais pas pendant 4 mois. Ah, c'est... Tu sais, puis j'ai commencé avec les roughs. Là. J'ai commencé avec Breaking the Waves. Ouais. Genre, mais ça, ici, ça reste, même si on... Puis on va continuer à un peu expliquer l'histoire. Là. Ouais. Mais même si le ton il est très violent, je trouve qu'il y a quelque chose de dynamique dans comment que c'est raconté, fait que ça, il y a une valeur entertaining, là, t'sais. Mm-hmm. C'est pas lourd, genre, que t'as envie d'être tout seul, pis d'aller prendre une marche seul après d'avoir vu le film, t'sais. T'as envie d'en jaser, pis t'sais, il y a quelque chose d'excitant dans la réalisation pis dans comment que c'est fait, là. Oui. Tu voulais-tu... C'est marquant, mais ça, ouais. ça t'atterre pas, là. Non, c'est ça, exact. C'est ça. Fait qu'après cette fameuse séquence de corridor-là, notre héros, qui se surnomme lui-même le monstre, ça, j'avais trouvé ça cool, tu sais, comme, la première fois que j'avais vu, j'étais comme, ah, c'est hot, man, il s'appelle lui-même The Monster, puis il y a un lien avec Frankenstein, car il a été créé sur mesure par un espèce de génie fou, et en même temps, après ça, abandonné dans le monde, tu sais, moi, je voyais des liens. Fait que tu veux-tu continuer à décrire un peu ce qui se passe après? T'en rappelles-tu? Oui, bien sûr. On va pas dire tout le film. Non, mais rapidement, là, juste pour qu'on se rende. Là. C'est ça, il assemble d'autres pièces du casse-tête, il se rend plus loin, puis il y a beaucoup de relations de cause à effet que il obtient l'autre. Parti par sa dernière action, puis rencontre tel personnage, même si plus tard, au final, on voit que tout a été un peu orchestré d'avance. Mm-hmm. Fait qu'ensuite, ben avant, quand il sort, là on est tout éparpillé. Mais on s'excuse pas. Quand il sort de la prison, il va à un restaurant de sushi. Ouais. Puis la serveuse, la fille qui fait le sushi devant lui, il lui demande ce qu'il veut. Il dit quelque chose de vivant. Fait qu'il prend comme une espèce de pieuvre. Puis ça, c'est une scène super figurée puis marquante. Puis, ouais. Parce qu'il mange une pieuvre. Qu'il bouffe ça, puis les tentacules d'en face. C'est ça. Ouais. Tu serais-tu capable de faire ça? Je sais pas, je me disais, y a-tu vraiment juste fait une scène, puis on la fait bien, puis on la manque pas, puis avoir le goût, parce que... Ben, mais ça il prend une bouchée, puis il a pas avalé, puis il en prend deux autres, puis ouais. Ouais, parce qu'à l'époque, je sais pas où j'avais entendu ça, mais j'avais entendu parler qu'il l'avait fait pour vrai. Tu penses pas? Ben, je pense que oui. Ben oui. C'est ça, il l'a fait pour vrai, genre. Fait que... Mais moi, l'affaire, c'est... De un, ça grouille dans ta gueule, c'est dégueulasse. En dehors aussi. En dehors aussi, ça le sait. La créature le mm-hmm. sait qu'elle est en train de se faire manger. Fait que ça donne un goût bizarre. Puis, ça a pas l'air à goûter bon, man. C'est comme une pieuvre crue, genre, t'sais. Parce que moi, j'adore manger de la pieuvre. T'sais, quand je coupe de la pieuvre là, dans un ramen ou dans n'importe quoi, je trouve que ça goûte bon, man. J'aime full la texture. Ça peut rapidement devenir spongieux si on manque la cuisson. Ah, ou oui? Trop dur. Ou... Ouais. OK. Mais bref, moi, j'adore ça. Mais vivant de même, je sais pas si je serais game. Je pense que je serais pas game. Ouais, je pense que c'est pas une pratique courante non plus. Non. Ouais. Ça tue un cerveau, genre? Ça a pas d'os, une pieuvre, mais... Ouais, mais il a mangé... Il mange la tête en premier, me semble. Non, une partie du corps, je pense. Ah ouais? Ouais. Elle l'avait quand même préparé, même s'il n'était pas coupé. Là. Ok, ok, ok. On va beaucoup trop loin avec ça. Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est une scène très marquante, quoi. Ouais. Oui. Fait que cette jeune femme-là, qui s'appelle Mido, va devenir un peu comme son allié dans sa quête de vers la vérité, finalement. Ouais. Puis c'est un drôle de personnage parce qu'elle est quand même super investie, mais est beaucoup plus jeune que lui. Ouais. Et est en amour avec. Fait que là, tu sais, au début, tu fais comme, bon, c'est quoi ce scénario-là d'écriture de personnage que c'est la petite jeune qui tombe en amour avec le vieux crotté, dégueu, parce qu'il faut le dire, au-dessous, il est décrissé là, quand il sort de là. Mm-hmm. Il a de l'air d'un bum. Mm-hmm. Il a de l'air d'un vieux dégueulasse. Tu sais. Fait que t'es comme, ah, mais semble ça, il y a quelque chose qui fausse là, là-dedans. Là. C'est-tu un fantasme du réalisateur de genre, je vais écrire un personnage pur et jeune et plein d'énergie qui tombe en amour avec un vieux Chris. Mais ne vous trompez pas, rien n'est laissé sans explication. Tout a une raison. Ouais. Ouais. C'est en musique. T'as-tu une toune, là? Oui, ben je sais pas si je voulais aller... j'en ai une pour la fin, puis j'en ai une pour le milieu. Fait que okay. Je sais pas qu'est-ce que tu voulais... Ben moi, je voulais mettre... en fait, je sais pas le titre, fait que... On va la faire jouer. Mais c'est une toune de la trame sonore d'Old Boy. Ah. Qui est pas le thème principal, mais qui est le thème du flashback. Donc... je me rappelle pas exactement du nom de la pièce, parce que j'ai eu cette trame sonore-là sur mon ordi pendant des années. Ah oui? Je l'ai encore quelque part. Mais je crois que... Tu l'avais réécouté sans... Oui, je l'écoutais souvent, ah oui? La trame sonore. Okay. Ouais, j'aime beaucoup la trame sonore de ce film-là. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Puis c'était... Je sais pas si... T'es correct. Ouais. Ouais. Ben, c'est qu'il y a deux... Il y a comme... deux types de musique dans le film. Il y en a une qui est vraiment plus, j'allais dire, moderne, tu sais, comme un peu quétaine. Puis l'autre qui est plus... Ouais, c'est plus un thème. Ouais. Ouais, puis l'autre qui est plus comme symphonique, tu sais, oldies, mm-hmm. Avec beaucoup de violon. Puis ça, c'est plus le même thème qui est réutilisé souvent. Ouais. Puis ça joue même dans l'histoire plus tard, ça, c'est d'expliquer qu'il y a, ouais, que ça, ça a un rôle à jouer. Ouais. Donc, on, puis ce thème-là, je crois qu'il s'appelle Cries and Whispers, mais c'est pas ça qu'on s'en va écouter, mais si vous voulez googler ça, Cries and Whispers, c'est le thème d'Old Boy, c'est super bon, mais on s'en va écouter l'autre que je sais pas c'est quoi le nom. À toune. Ouais. OK. By Virtues of Emptiness, de, du très, du talentueux Greg Fox. Thank you. And we're back. Ben, c'était super bon. Cette tune-là, Dominique. Oui. Comme toujours. Salut, Marc. Mais. Penses-tu que les quatre personnes qui t'ont parlé dans d'autres moments de, d'inaction, ouais. On dirait, Chris, sont bien moins bons. Ouais, moi, j'ai vraiment ce feeling-là qu'ils font le réécouter, ils vont faire, il me semble que c'est meilleur. Mais c'est parce que. C'est parce que. C'est un épisode de transition. Ben, c'est ça. On puis aussi, si vous checkez la cave. Épisode 1 versus le dernier où on a enregistré, il y a une belle progression. Là. Les premiers, là, on n'arrête pas de dire « Ah, mais là, c'est pas ça notre structure. » Puis « Ah, puis on est fucké, on est déstabilisé tout le temps. » Tout à moi, ça. Ben, c'est nous deux. Là, les deux, on « on bug. » Puis finalement, tu sais, à la fin, on avait comme plus trouvé notre flow, mm-hmm. puis notre rythme. Puis c'est ça qui va réarriver. Là, c'est normal qu'on soit un peu rouillé. Mmh. Chris, au mystérieux, man, on arrête des fois, genre un mois pendant le temps des fêtes, puis on en revient, puis on est tout fucké. Mmh. Fait que nous autres, ça fait 2 ans et demi. Là, yes. Fait que c'est normal qu'on soit un peu rouillé. On c'est s'excuse ça. Pas. Non. Ben c'est ça, c'était l'équilibre. Toi, tu trouvais que j'étais trop préparé, puis moi, je trouvais que t'étais trop spontané. Ouais. Fait que c'était. Faire des recherches, bien connaître son sujet, de garder dans nos souvenirs, mais de faire ça. What the fuck, Chris? Ben oui, puis c'est. Puis là, c'est le fun, ben j'ai aucune note devant moi. Je suis très fier de toi. Ouais. J'ai juste hâte de voir. Le parce prochain. Que, j'ai fait une liste là, de sujets que j'aimerais, uh-huh. et moi, évidemment, ce que j'ai le plus hâte, c'est The Neon Genesis Evangelion. Et ça, j'ai l'impression qu'il te fait peur, ce sujet-là. Un peu. Ben, ouais. c'était comme le pire sujet que tu m'avais dit il y a quelques mois. On était dans nos places, puis okay, on fait un test de son. Mettons qu'on fait un épisode, là, sur le fly. Là. Okay. On parlait d'Eva. Là. Là, c'est comme... Non. mais pourquoi t'as écouté cette série-là, genre... 4 fois, les 26 épisodes au moins écoutés 4 fois chaque. Mais ça fait très longtemps. Ouais. Ouais. Je me sentirais pas, mais pas genre, compétent. Là. Ok, ok. Mais quand même, tu serais capable de me parler très bien de l'univers, de ce qui se passe avec les personnages, puis tu serais capable de me décrire une scène, puis tu serais capable de me donner ton top 3 de moments préférés, puis... C'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Ben. Est-ce que t'as quelque chose sur le film qui t'a marqué, genre, mettons, une scène là, qui a vraiment fait comme « Oh shit! » Juste un petit point avant, parce qu'on parlait de l'esthétique, du ton visuel, du montage très, ouais. très frais pour, ouais. pour l'époque. Le... Je m'étais dit que j'allais arrêter de faire les hommes. Mais bon. Pas grave. Il y a vraiment deux teintes de couleurs. C'est le rouge et le vert qui prédominent ouais. souvent. Puis même ma blonde me faisait remarquer que même dans les scènes de nuit ou quand c'est noir, le noir n'est pas totalement noir. Il y a vraiment des teintes de vert. Fait que, ah ouais. Ouais. Quand tu as ça en tête, tu le remarques beaucoup plus. Puis on dirait qu'il y a beaucoup. Tapisserie à motifs, où on dirait que ça revient souvent. Fait que, c'est vrai, c'est vrai. Fait que sans être tape à l'œil, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de. Pour le visuel puis le montage, comme on disait. Ouais, ben justement, la fameuse scène du corridor qu'on a parlé tantôt, mm-hmm. c'est tout est vert. Là. Tout est éclairé vert. Ouais. T'as raison. C'est. Il y a un motif là-dedans, c'est drôle, parce que ça me fait full penser à Shape of Water, l'espèce d'utilisation de la couleur qui est mm-hmm. symbolique. Tu sais, chaque couleur symbolise, représente quelque chose. Tu sais. Oui. Je serais curieux de voir, tu sais, comme, c'est quand que le rouge est plus présent versus le vert, si vraiment ça a un lien dans la narration ou si c'est juste l'esthétique. Mm-hmm. À voir, je sais pas. Oui. Écrivez-nous. Dites-les là, sur le... C'est un WordPress qu'on a. Ouais, c'est mais ben, les gens connaissent plus sur Facebook. Là. Mm. Ouais. Ouais, mais sur le Facebook. Hey, ben ouais. God. Dites-nous si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on touche ou non. Ou... Ouais. Fait que c'est quoi les... T'as-tu une scène qui t'a plus marqué? Genre, quand tu te rappelles du film? Là? Ça faisait quand même très longtemps que je l'avais pas vu. La scène du corridor, bien sûr. Ouais. La scène de la fin. Tout le... Parce qu'Odessou, finalement, arrive à ses fins, identifie les personnages, un peu son rival. Où, il se décrit comme un scholar, en fait, comme quelqu'un qui a étudié la vie d'Odessou. Ouais. Pour tout planifier, pour tout orchestrer. Puis ça se termine dans une espèce de confrontation à la fois physique et psychologique assez intense, ouais. comme le premier film avait donné le ton de la trilogie. Ouais. Ouais, c'est la fatalité ultime. Là. Il fait virer fou. Là, oui. Odessou devient complètement débile. Là. Oui, parce que même encore à la scène de la confrontation dans le corridor, il y a pratiquement des habiletés de surhomme. Ouais. Puis je pense que avec le recul, il y a beaucoup de codes de tragédie grecque là-dedans. Ouais. Qui poussent les personnages à être plus grande nature, à agir de façon démesurée. Mm-hmm. Puis finalement, que même l'autre personnage, Lee Woo-jin, que même si toutes les pièces de son jeu d'échecs sont en place, mais lui, il a pas, il tire pas de bonheur. On dirait que tout est voué à la fatalité. Là. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. C'est marquant, ça. Mais je trouve que c'est tellement un beau personnage, Lee Woo-jin aussi. Il y a une affaire qui m'avait marqué la première fois, puis ça me gosse encore, même si j'adore l'acteur qui joue ce personnage-là. Mm-hmm. J'adore sa performance. Je trouve qu'il est bon, man. Il est juste, là. Mais c'est l'âge. Il est plus jeune, oui. Ben oui, c'est que même si c'est un gars clairement en forme, il fait du yoga, il dédie sa vie à être une espèce d'humain parfait. Là. Il fait un peu penser à... Voyons, son nom m'échappe, le méchant dans Watchmen. Là, c'est-à-dire que tu sais, il veut être un surhomme. Là, il dédie tout à une cause. Il est extrêmement focusé. Mm-hmm. Sauf qu'il a de l'air d'avoir 32. Tandis qu'Odessou... A plus l'air mi-quarantaine, tu sais. Ouais, plus. Et même cinquantaine, tu sais. Ce qui cloche, c'est qu'on apprend par la suite, il y a un flashback avec le temps qui sont l'équivalent de secondaire, j'imagine. Ouais, à l'école Old Boys. C'est ça. C'est de Evergreen petit... Old Boy. Ouais, exact. Puis ils sont plus ou moins dans... En tout cas, ils se côtoient. Fait que si on sent qu'il y a une différence d'âge de 10, 15, 20 ans par la suite, ça doit être pour ça que t'accroches. Là, pour le, c'est ça, mais... Pour l'acteur. Mais il y a peut-être trop un sérum de jeunesse et de préservation de la peau. Je sais pas, tu sais, parce que le casting entre lui et la fille, ça marche. Mm-hmm. On peut spoiler, je pense, ça. On spoil-tu ou on garde... Ben, c'est un gros morceau, là. Ouais, en même temps, le monde qui écoute ça... Check. Allez écouter le film, okay. Puis venez écouter le reste de l'épisode après. Ouais. Si vous en crissez, ben regarde, too bad for you. Faites souvent sur mystérieux, c'est... Ben, c'est parce vous que barrez pas. C'est parce que sinon, on s'empêche de discuter en profondeur du film. Ouais, parce que c'est un gros. Fait que, puis tu sais, c'est quoi le but de faire ça si on peut pas... T'sais, on n'est pas là pour faire la promotion du film. Mm-hmm. On est là pour jaser. T'sais. Déjà, quand il y a une palme d'or, il n'y a rien. C'est ça, il n'y a pas besoin de nous autres. Là. Donc, allez voir le film. Ouais. Si vous n'avez pas vu. Disponible. Revenez-nous, parce que là, on va spoiler the shit out of it. Donc, le gros punch, en fait, c'est que la fille... Ça, tu vas dire... la fille qu'il rencontre, ben, c'est sa fille à lui. Que, on va l'appeler le méchant... tout orchestré pour qu'il se rencontre et même avec le pouvoir de l'hypnose, ils ont fait que quand ils vont se voir, ils vont tomber en amour ensemble, ils vont baiser ensemble, ils vont vraiment comme avoir une espèce de fusion, mais comme des amoureux et non pas comme un père et une fille. Mm-hmm. Puis c'est un peu ça son plan de se venger parce que Odessu, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a starté une rumeur sur le méchant et sa sœur quand il était jeune. Parce qu'ils dans le temps de l'école, oui. Parce qu'ils couchaient ensemble. Mm-hmm. Et ça a poussé sa sœur à se suicider, en fait. Oui. Fait que lui, il veut se venger un peu de ça, puis faire comme, toi aussi, man, tu vas tomber en amour, mais tu vas fourrer ta fille! D'infliger le même... D'infliger la même chose un peu que vécu. Puis encore une fois, il n'y a pas de fin heureuse possible. Mm. Puis ça, fait que okay, revient... là, je vais dire de quoi de fucked up. Là. T'es-tu prêt? Non. Okay, vas-y. Pour revenir à la tragédie grecque, il y a vraiment le complexe d'Oedipe ici. Ouais. Puis c'est ça. Bon. J'ai perdu. Là, ça se peut que tu me juges. OK? Bon. Ça se peut qu'on perde nos quatre auditeurs. Check ça. Demain matin, là, je me fais kidnapper. OK? Je passe 15 ans en prison d'un petit appart. OK. T'as un petit peu, il y a juste un point qu'on n'a pas dit, c'est que oui. Au début, le Odessu se fait kidnapper, puis son seul contact avec le monde externe, c'est le monde extérieur, c'est une télé. Oui. Puis il voit sur un truc de nouvelle qu'il est accusé du meurtre de sa femme, puis sa fille, il y a une fille en bas âge. Oui. Fait que ça, c'est comme le lien. Oui. Tu peux continuer. OK, j'étais en prison depuis 15 ans, je sors... Tu sens encore les mêmes lunettes? Non. Je me suis fait opérer par les yeux avec, tu sais, qui lance un gaz soir, là. Parce que, tu sais, t'essaies de te tuer, il te lance un gaz, t'essaies de te blesser, il te lance un gaz, tu sais, bon. Il contrôle toute ta vie pendant 15 ans. Je sors de là, OK? Bon, là, je veux me venger, whatever. Je rencontre une fille. On fourre ensemble, on s'entend full bien, on tombe en amour. Après ça... Tu ferais comme fuck off, le bêcheur. Non, mais après ça, tu sais, j'apprends que c'est ma fille. OK. OK. Ben, man, je veux dire, je suis pas en train de dire que je serais cool avec ça, OK? Mais, tu sais, je ferais pas comme... Comment je pourrais dire? C'est pas comme si, genre, t'avais élevé cet enfant-là, pis tu y avais fait prendre son bain, pis que tu y avais changé les couches, pis là, après ça, tu fourrais avec... C'est quelqu'un que tu connais pas. Fait que oui, il y a un lien de sang, mais émotivement... En même temps, j'ai pas d'enfant. Je sais pas de quoi je parle. Ouais, c'est très pas cool ce que tu dis en ce moment. J'ai pas l'impression que c'est si pire que ça. C'est-à-dire... Non. Attends. Okay. Le prochain épisode va venir dans 3 ans. Ce que je suis en train de dire, c'est... Mettons, là... OK, tu pars 20 ans, t'en reviens... Tu pognes une fille un peu plus jeune, t'apprends que c'est ta fille. Oui, c'est troublant, mais je veux dire, c'est pas comme, pour moi, c'est différent comme si que c'était de l'inceste. Parce ben, je sais que c'est de l'inceste, mais okay. c'est pas genre, tu sais, c'est vraiment wrong ce que je dis. Ok, je suis sûr qu'il y a un de nos quatre auditeurs qui comprend mon point de vue, dans le sens que c'est pas comme, ta fille que t'as vu grandir, puis que t'as accompagné à l'école. Puis je comprends, mais en apprenant ça, en le sachant, parce que c'est ça, lui, il a fait tout ça, puis à la fin, c'est la dernière épreuve qu'il découvre par un album photo que c'est avec sa fille. Ouais. Mais je comprends que c'est traumatisant. Je veux pas banaliser ça. C'est juste que je me dis... C'est différent... En tout cas... Ouais. Non, mais ben écoute. C'est ça le film, hein? C'est ces questions-là que ça pose, puis c'est l'espèce de malaise qui vient avec ça. C'est juste que moi, je pense que je serais chill. Pas que je serais chill. Je ferais pas genre, on continue à fourrer, mais je ferais comme, regarde, je savais pas, asti. Tu sais, c'était pas... Mais ça te déresponsabilise pas. Ben, un peu, parce que, tu sais, c'est pas de sa faute en hostie, là. Puis c'est pas de la faute de la fille non plus. Les deux se sont fait hypnotiser, puis ils se sont pas vus pendant 15 ans. Là, t'essayes de te convaincre un peu. Je sais pas, man. Je sais pas. Je serais curieux d'entendre des avis extérieurs de ça. Parce que, évidemment, je comprends le drame. C'est sûr que tu fais comme Chris, ça n'a pas de bon sens. Tu fous ta fille, c'est dégueulasse. Mais en même temps, je suis comme. Là, tu t'arrêtes là. pas que je suis pas en train de dire que c'est cool. Je suis juste en train de dire, ouais, mais il la connaissait pas, cette personne-là. Il a connu une autre personne. Ben, c'est ça. En pour sortant. Lui, quand il la voit, ouais. Il fait pas comme, ah, c'est ma fille, tu sais. Pour parce lui. Parce qu'il aurait jamais fait ça. Ben, c'est ça. Ben oui, exactement. Dans exactement. Sachant, en apprenant, il fait pas comme toi, puis il dit, non, ça que pas, là. Non, mais je dis pas que je continuerai après, puis que je ferais comme, ah, c'est cool, dans le fond, là, on continue à fourrer, même si t'es ma fille. C'est pas ça que je ferais. Mais, tu sais, j'aurais pas, c'est que j'aurais une grosse jasette, puis je ferais comme, c'est fucked up. Ok, c'est fucked up. Je comprends si, mettons, tu veux plus jamais qu'on se revoie, puis moi non plus, je pense pas que je serais à l'aise, mais en même temps, c'est chill si, tu sais, comme, tu veux qu'on en revienne à une relation père-fille, je sais pas, je sais pas. Mais non. Je me sentirais pas comme, oh mon Dieu, genre... Parce que, tu sais, en plus, comment que c'est raconté dans le film? C'est tellement pas le bon film pour un épisode de comme... Excusez. En tout cas, mais... Hey, ça va pas bien. Ça va pas bien. Je sais pas, man. Je trouve que la question est intéressante. Ben, si t'hésites, ça va pas bien, là. Non, attends, là. Tu comprends pas ce que je veux dire. Je suis pas en train de dire... Y a pas d'hésitation, là. Mm-hmm. Puis je suis pas en train de dire que c'est cool. C'est juste que, dans le sens du remords, puis de « Oh, mon Dieu! » Parce que, tu sais, man, Odessou, là, le personnage principal, il va à se couper la langue. Il vire complètement barjot, tu sais. Oui, parce que c'est le... On est à la fin, là, il découvre ça par l'album photo, puis Mido, on rappelle la fille, la Madame Sushi, est dans une autre pièce, plus loin, puis elle a une boîte qui a toujours le même motif, puis ça revient souvent en mauve, puis finalement, il y a un ruban, fait que là, est-ce qu'elle doit l'ouvrir ou non, fait que c'est un peu le kit ou double que Lee Woo-jin offre. Au dessous. Mm-hmm. Puis lui, il parle à Mido au téléphone un petit peu, puis il veut pas qu'elle ouvre la boîte, qu'elle découvre tout ça. Là. Ouais. Fait qu'il va, il sombre dans tout plein de... La folie. La folie, jusqu'à se couper la langue pour dire qu'il a trop parlé sur la relation de Lee Woo-jin et sa sœur. Ouais. Finalement, Lee Woo-jin décide de l'épargner, donc Mido n'a pas à découvrir ça. Voilà. Fait que je pense que lui, il aurait pas continué. Ouais. OK. Parce que... À la fin, Bon, là, vous l'avez tout vu sur Netflix, vous êtes revenu, merci d'avoir... Ouais. ...respecté, d'avoir rien gâché. Comment t'as interprété la fin? Parce qu'Odessou va retrouver l'hypnotiseuse. Ouais. Et elle lui dit, OK, je peux t'effacer la mémoire, tu vas avoir des petits troubles de mémoire ici et là. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, de ne plus te rappeler ce qui est arrivé? Ouais. Puis il dit oui. Puis ensuite, il voit Mido. Ouais. Puis elle est au courant de rien, elle le prend dans ses bras, elle dit qu'il l'aime. Ouais. Puis il commence à être soulagé, puis finalement, ça vire un peu en pleurs. Fait que... Ben, il la sort dans ses bras, puis il sourit, en fait. Il est content, là. T'sais, les deux pleurent, mais il y a un regard comme... T'es comme... T'as quelque chose qui est beau, là. Fait que tu penses que ça a marché, l'hypnose? Ben, je pense que ça a marché, mais... Parce que le sourire finit en pleurs un peu. Fait qu'on peut interpréter comme, ouais. Comme quoi... Ça n'a pas marché, puis il s'en rappelle encore, puis... Ouais. Puis honnêtement... Pas ce qu'il va faire après. Honnêtement, tu sais, je sais pas si c'est important ce qui est arrivé, mais encore une fois, c'est... OK, check ça. Je vais revirer la question du bord, OK? Qu'est-ce qui est mieux? tu t'as fourré ta fille. OK? Mais tu savais pas que c'était ta fille. OK? T'es pas genre une espèce de creep weird. Mm-hmm. OK? Mais t'as fourré ta fille, pareil. Qu'est-ce qui est mieux? Genre, je veux oublier que c'est ma fille. Tu vas voir une femme qui fait de l'hypnose, puis je veux oublier que c'est ma fille et continuer à avoir une relation, peu importe c'est quoi, avec cette fille-là. Je pense pas ça qu'il fait, là. Ben là, tu sais, clairement, il est magané, puis il se rappelle plus de grand-chose, ou, en tout cas, il a pété un plomb, là. Il est plus ce qu'il était, tu sais. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est pire faire comme, tu sais, c'est la matrice, man. C'est direct la matrice de Red Pill, Blue Pill, tu sais. Tu veux-tu faire face à la réalité? Puis moi, je pense que c'est ça que j'aurais fait. C'était ça un peu mon point que j'avais vraiment beaucoup de la misère à exprimer tantôt. C'est que moi, j'aurais été voir ma fille, puis j'y ai réexpliqué. J'aurais fait, c'est fucked up, mais on s'est fait piéger, tu sais. Puis c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute. Puis il y a personne là-dedans qui se veut du mal. Personne a profité de l'autre ou a abusé l'autre. C'était les deux se sont fait piéger, tu sais. Mais puis à partir de là, qu'est-ce que tu ferais? Ben là, j'en jaserais, tu sais, je serais comme, qu'est-ce qu'on fait? Tu serais ouvert à continuer ça? Ben, je serais ouvert à continuer la discussion, tu sais, à faire comme, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Clairement, on a besoin d'un break chacun de notre bord là, on veut pas décider ça sur un 10 cents, mais je trouve que sa logique à lui est encore plus fucked up, c'est que lui, il veut faire à semblant comme si ça n'existait pas, cette réalité-là. Peu importe ce qu'il veut effacer. Il veut effacer, puis ça, je trouve que c'est pire, tu sais. Mais je suis pas... Même en effaçant que ça ait fonctionné ou non, je ne sais pas si il voudrait continuer après. Ben, parce que imagine que ça a fonctionné, OK? Mm-hmm. Qu'il se rappelle plus que c'est sa fille. Elle arrive, elle sort dans ses bras, on rentre à la maison, une petite soupe, on se réconforte, on se réchauffe, un petit film Netflix. À sa graine dans la gueule. Elle est en train de le sucer. OK? Il s'en rappelle pas. Elle sait pas qu'elle est en train de tuer son père. C'est dégueulasse. Ça, je trouve ça wrong. Ta dernière phrase est dégueulasse. Ouais. Bon. Mais je trouve ça wrong. OK. C'est-tu... OK, je comprends, là. Tu comprends-tu mon point de vue ou tu trouves juste que... Je comprends quand ton choix spontané de ce film-là, t'es un peu comme le Lee Woo-jin pour me piéger. Non, pas du tout, non. Pas du tout. C'est pas un piège, c'est vraiment une vraie... C'est une vraie question, je te demande. Qu'est-ce qui est pire, tu sais, genre... Pire? Faire face à la réalité, puis genre vraiment comme établir ça, mettre ça sur la table, faire comme c'est fucked up ce qui nous est arrivé, mais il faut qu'on deal avec. Ou puis genre... on fait plus jamais rien. Hein? Puis on fait plus rien. Plus de couchette. Ben, j'imagine, parce que moi, ça me turnerait off, tu sais. Mais... OK, fait que là, tu dis, tu ferais plus rien. Oui, mais toi, t'essaies d'interpréter ça comme si je fais comme... C'est cool dormir, c'est cool coucher avec sa fille. C'est pas ça que je dis du tout depuis le début, là. Okay. Ce que je suis en train de dire, moi, c'est plus pour l'espèce de sentiment de culpabilité de faire... Ah! M'a me tuer, m'a me couper la langue. En même temps, tu sais, on n'a pas d'enfants d'eux, on sait pas c'est quoi. Mais. Donc, on devient populaire, puis les gens retracent les épisodes, puis moi, j'assume ce que je dis. Je pense que tu comprends pas ce que je dis. Ouais, parce que t'as déjà dit beaucoup de choses en l'autre. Ce que je suis en train de dire, okay. C'est que c'est pire si tu fais pas face à la réalité, puis tu t'alternes ta vision, puis par l'hypnose ou whatever. Mm-hmm. Pis que ça continue, tu sais. Ça, c'est pire, dans ma tête. Non? T'es pas d'accord? Ben. Fait que de prendre d'autres moyens pour masquer, pour pas faire face. Exact. Ça, c'est fucking weird, là. Pis c'est un peu comme ça que ça finit. Pour moi, il est là, le dark ending. Mm-hmm. Peu importe si l'hypnose, ça a marché ou non, c'est qu'il a choisi de faire ça au lieu de faire face à la réalité, tu sais. Il a choisi de faire comme j'aimerais mieux que ça existe pas, puis de pas penser à ça. Mais clairement, les deux se rejoignent après. Là. Donc, elle va rester dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Puis pour elle, ben elle est pas au courant de toute l'histoire. Donc, elle est encore en amour avec. Là. Fait que ça, c'est fucked up. T'sais. Tu pensais pas qu'on allait aller là. Hein? Ben... ouais. Non, non, mais c'est ça, d'une manière ou d'une autre, de ce qu'ils font pas après, ça demeure une tragédie, même avec son choix qu'il fait. Ouais. Oui, c'est ça, exact. Ouf! D'accord. Ouais. C'est aussi ça, la cave. Des questions philosophiques. Ben, moi, je trouve que c'est une vraie question. C'est quoi le... OK, là, je fais une parenthèse. Parce que ça m'est arrivé souvent de poser cette question-là, genre, je suis au raid d'un party. Puis c'est vraiment intéressant de voir la réponse du monde. Je te pose la question. Tu sais, j'ai couché avec ta fille. Non. Mais c'est une question d'ordre sexuel. OK. T'es pas obligé de répondre ça, très mal à l'aise. Merci. OK? Mais je trouve ça intéressant comme réponse parce que ça parle beaucoup de la personne. Mm-hmm. OK. Puis là, on est dans un monde de fiction, OK? C'est pas la réalité. Mais t'es face à un clone de toi-même qui est ton identique parfaitement. Mm-hmm. Le même âge, le même poids, même la même personnalité. C'est toi en double, OK? Okay. Est-ce que tu fourres avec? Non. Ah, non? Ben, je veux dire, pas c'est ton premier réflexe, mais si ça... Si ça arrive, tu fourres-tu avec ton propre clone? Non. OK. Ben, c'est drôle, mais pourquoi? Pourquoi non? Je choisis de ne pas répondre. OK. Ben, moi, je trouve ça super intéressant comme question parce que les réponses que j'ai... Moi, je fourrais avec parce que je trouve que c'est rendu là, c'est comme ça branler. Là. Puis je sais exactement quoi faire, puis genre, je me sucerais comme un espèce de débile. Mais... Mais parce que c'est moi, tu sais. Puis j'ai eu d'autres réponses de personnes qui étaient comme... moi je coucherais avec moi parce que je sais que j'ai pas de maladie. Ça, j'étais comme... Ah, c'est fucked up, ça. D'autres qui étaient comme « Ah non, moi je coucherais pas avec moi parce que je suis pas gay. » Puis là t'es comme « Ok, mais tu te masturbes, ça c'est pas un acte gay, ok. » Puis là, t'sais, comme c'est, fait que je trouve ça intéressant de voir comme la perception qu'on a de soi-même, un peu genre, t'sais, comme il y a du monde qui sont comme « Ah non, moi ça m'écœure. » C'est comme si c'est toi, là, c'est ton corps. Là, oui. Est-ce que tu lis ça directement avec l'estime de soi? Non, je pense que ça par rapport. Ben, tu sais, l'autre qui m'a répondu les maladies, tu fais comme oh shit, tu sais, comme lui, c'est clairement ça, c'est un gros focus, tu sais. Mm-hmm. C'est important qu'il s'assure qu'une autre personne ait pas de. Peu importe quoi, là, tu sais, d'ITS ou whatever. Fait que ça a plus ou moins rapport avec l'estime, mais je trouve que c'est une question. Il y a du monde qui sont comme moi, je trouve ça dégueulasse. T'es comme, ouais, mais là, vient l'autre question. Si, mettons, là, comme des animaux, là, on pouvait s'auto-sucer au lieu de se branler. Quel animal? Ben, mettons, les chiens, là, sont capables de se licher. Ouais? Ben oui. Même les chiens saucisses? Peut-être pas les chiens saucisses, j'avoue que j'ai jamais vu un chien saucisse. Mais bref, là, il y a du monde qui font, ah non, ah non, ce serait dégueulasse, ah non, jamais je me sucerais. Mais tu sais, comme, c'est ton corps, man. Tu sais, comme, c'est juste parce que physiquement, c'est... En tout cas. Tu comprends-tu question? Mais je m'attendais pas à aller là. OK. Mais c'est des questions philosophiques. Mais pensez-y à la maison et répondez-nous sur Facebook. C'est des réflexes de vieux garçons. Ben oui, et voilà. Hey, man, l'épisode aurait pu finir de même, ça aurait été parfait. Genre, vieux garçon. T'as même pas fait le lien avec Old Boy, vieux garçon. Là. Ben oui. Okay, ben oui, je l'ai vu, ben oui. Ben oui. donc, revenons à Old Boy, là. Excusez, là, mon dérapage de s'auto-sucer. c'est un film... Est-ce que tu le recommandes? Je le recommande, mais hein, je le recommande à tous. Est-ce que tu penses que c'est pour tous? Mm. Les scènes de violence brute, c'est rough. Ouais. Mais ce n'est pas que ça. Il y a eu beaucoup d'autres films après qui ont vraiment capitalisé juste sur cet aspect-là. Puis que c'était avant la vague de torture porn, peu peu importe qui. Oui, puis ça rentre pas dans la catégorie torture porn. Non, c'est pas ça le focus. Ça arrive, puis c'est troublant quand que ça arrive, mais c'est pas ça le but. Tu fais. C'est des ponctuations. Ouais. Je voulais te demander, il y a eu un remake américain qui a été fait en 2013 par Spike Lee, quelqu'un de très compétent, mais personnellement, je trouve, moi, j'ai aucun intérêt à voir ça. Je le vois comme un producteur qui a sauté sur une occasion facile de faire un film une copie conforme pour donner à une clientèle qui veut rien savoir des sous-titres. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Toi, tu l'as vu. Qu'est-ce que t'en pensais? C'est fucké parce que je me rappelle que pas longtemps après le succès de l'original, il parlait déjà de faire un remake américain, puis on se roulait toutes les ouais. derrière la tête. Je pense qu'il parlait genre de Steven Spielberg avec rôle principal, Will Smith ou Nicolas Cage. Puis... Ouais, c'est ça. Puis finalement, c'est Josh Brolin qui l'incarne, qui est tout le temps excellent. Josh Brolin est tout le temps bon. Moi, je l'ai écouté. Écoute, je m'en rappelle pas. OK. Puis pas parce que je l'ai écouté genre fatigué ou chaud. J'ai vraiment écouté ce film-là et il y a rien qui m'est... Qui m'est resté. Donc, ça a passé dans le beurre un peu pour moi. Fait que c'est sûr que je conseille l'original. Dans ma tête, c'était pas si pire non plus. Je me rappelle pas d'avoir fait comme « Ah, oh, c'était dégueulasse ». Mais non, c'était pas mémorable. C'est ça, c'était plus de la pertinence de produire ce film-là, alors que l'original est là, puis c'est il y a 10 ans. Ouais. Puis ça, c'est mais ça, très on pourrait en parler longtemps. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est un épisode que j'aimerais qu'on fasse là, sur Ghost in the Shell. Je veux dire, ça, on pourrait faire un épisode juste sur... Les adaptations. Les remakes puis les interprétations d'autres œuvres, il y en a qui sont magnifiques. Des fois, ça marche. J'ai détesté le Ring américain. Mais c'est très rare, mais des fois, le remake est meilleur que l'original. Puis des fois, ils sont à côté. Pour Old Boy, je pense que ça avait été bien fait, même si clairement, c'est une commande. Là. Mm-hmm. Mais je pense, à mon souvenir, ça avait été bien fait, mais ça n'a pas le. L'audacité et le côté brut du premier, de l'original. Mais tu sais, le pire, c'est que plus tu me poses la question là, plus j'y pense, plus je suis comme, Chris, j'aimerais ça le réécouter quand même. Okay. Parce que mon feeling, c'était comme, ah, c'était pas si pire. Fait que, je sais pas. Moi, ce qui m'a surpris en le réécoutant, tantôt, c'est comment que le film est vieux. Parce que dans ma tête, c'est un genre de film un peu comme Neon Genesis Evangelion. Quand j'ai découvert ça, c'était tellement moderne dans ma tête que j'en garde un feeling comme c'est quelque chose de moderne. Puis là, tu réécoutes ça, puis il y a juste un gros bout, tu sais, comme dans les cafés Internet ou avec les téléphones. Les accessoires. C'est ça, tu sais, ça a vieilli dans ce sens-là, dans le sens de l'époque. Mm. Tu sais, ils se loguent sur des. C'est avant Facebook, c'est avant. Le genre de ICQ. C'est ça, tu sais, avec des espèces de webcams qui filment genre un frame aux 4 secondes, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'était dans ce temps-là. Ok, hein. Puis tu sais, à l'époque, on l'écoutait, c'était ça, notre environnement, c'était ça, notre technologie, fait que ça nous a même pas accroché l'œil, mais en le réécoutant là. Mais je te dirais que c'est la seule affaire. Le reste du film a super bien vieilli. Oui. Il y a un montage intéressant qu'au début du film, quand Odessu est captif dans sa petite chambre, puis on voit plein de grands moments historiques à la télévision passer, fait que Lady Diana qui meurt, t'as les deux tours du 11 septembre, t'as la fin du truc de la Chine avec l'Angleterre, je pense. Ouais. Puis tout en rafale, mais c'est très bien. Il y a aussi un truc que j'avais mis dans mes notes. C'est un affaire qui, souvent, ça m'énerve. Puis c'est cheap. Mais pour ça, ça avait tellement été bien fait. C'est dans l'intro, il fait une espèce de... Il coupe l'écran en deux, donc il y a deux... Avec la cabine téléphonique? Ah non! Non, c'est pendant ce montage-là que tu parles. OK. Tu vois la télé d'un côté, oui, vois lui qui évolue de l'autre côté. Oui. Puis c'est rare que c'est bien utilisé, cet effet-là. Mm-hmm. Je me rappelle justement que le Hulk de Ang Lee m'avait gossé parce que ça fait comme des cases, fait que ça fait comic book de mettre plein de frames dans l'écran. Mais ici, c'est con, c'est juste un petit détail, mais mm-hmm. j'ai fait que c'est bien fait. C'est rare qu'on voit ça au cinéma, puis c'est bien utilisé. Il le refait à la fin différemment quand le gros plan sur le visage d'Odessou coupe à moitié le visage de Lee Woo-jin pour dire la phrase initiale que au téléphone. Ouais. Ouais. Pour lui faire redire, en fait. Ouais. Ça me fait penser, détails comme ça, un show qu'on fera probablement jamais, mais ça me gosse parce que asti que j'aimerais ça en faire un là-dessus, sur la série de Metal Gear Solid. Dans Metal Gear Solid 4, il utilise cet effet-là. Ah oui. Donc, en real time, pendant que tu joues, l'écran se divise en deux et tu as une cutscene qui se passe en même temps ailleurs pendant que tu joues dans l'autre moitié de l'écran. Puis ça m'a juste fait penser à ça. Je trouve que c'est. Tu sais, c'est quand tu as vu ça dans un jeu vidéo, là, c'est brillant. Là. Puis pourquoi tu dis qu'on ferait jamais ça? Parce que j'ai pas ben, fait du jeu de moi, jeu. Ben, quel Metal Gear t'as joué, toi? J'ai fait les deux premiers. OK. Ouais. Ouais, puis le 2, me semble, c'est vrai, tu l'avais joué en mars, hein? Ouais, qui est pas... T'avais pogné toutes les dog tags, puis ouais. Tout, là. Mais là, je vais refaire le 1. Mais, tu sais, comme... C'est ça, je suis comme dans le tourbillon de la cave que je refais les meilleures affaires que je connais. Ouais. Ouais. Mais... non, j'essaye... Si j'essaye jamais... des nouvelles choses dans la vie, là. Ben, si jamais ça t'intéresse, moi, j'ai le coffret des trois premiers... Et j'ai le 4 et le 5. Parfait. Puis c'est quelque chose qui vaut la peine. Mm-hmm. Juste pour l'innovation de la narration dans le gameplay. Là. Mm-hmm. Kojima, il est quand même au top de la game. Là. Mm-hmm. Fait que peut-être on le rajoutera sur la longue liste. C'est ça, on a une bonne liste, on va s'adapter, on va en rajouter si vous voulez nous donner vos commentaires et impressions. Si vous l'avez appelé la police pour une suspicion de incestueuse. Asti. T'as pas compris, mais. On est du bon monde. On est du bon monde. Mais oui, là. Non, pour vrai, je pense que je serais game de défendre en cours ce que j'ai dit tantôt, là. Je suis pas en train de dire fourrer votre fille. Ben non. C'est bon. Ben Carlis. T'aimes souvent ça, mais. Cette affaire-là, poche! Cette autre affaire-là, poche! Allez. Bon, fait que ça, on a Edgar qui vous souhaite une bonne écoute, soirée. Une bonne soirée. Oui. Et est-ce qu'on a un mot de la fin? Toi, tu le recommandes-tu? Tu m'as demandé si... Oui, absolument. Ouais. Absolument. Mais sachez un peu dans quoi vous embarquez, mais ça vaut la peine. Sinon, ben... Il y a une couverte, puis regardez dans la couverte dans les moments un peu plus rough. Là. Ouais. C'est ça que ta blonde a fait. Hein. C'est pas. C'est quand même. Ah, il y a un petit détail. Quand on parlait des scènes marquantes, évidemment, on se rappelle la scène du corridor, l'arrachage de dents au marteau, mm-hmm. plein de scènes comme ça. Il y a une scène que j'avais oubliée que je trouve magnifique, puis c'est quand il sèche les cheveux. OK. Ils sont dans son appartement à sa fille. Oui. Puis, ils sont comme super veg tous les deux. Puis, je pense qu'elle sort de la douche. Mm-hmm. Puis, elle est juste assis. Puis, lui, écoute la télé. Puis, c'est lui qui tient le séchoir. Mm-hmm. Il lui sèche les cheveux. Fait que c'est ton premier moment. Il lui sèche les cheveux à elle. Puis, elle fait juste se tourner. Tu sais, comme elle est face à la télé au début. Mm-hmm. Puis, elle fait juste se retourner complètement pour... sécher l'autre côté. Ouais, puis il joue dans les cheveux un peu. Juste. Fait que c'est une première démonstration d'un peu de douceur. Exact. Action. Cette scène-là, elle m'a plus marqué là, parce que justement, c'est un des rares moments de tendresse un peu. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. C'est très bien balancé, ce film-là. Ouais. Et, ben, évidemment, on vous conseille les autres films de ce réalisateur-là. Est-ce que j'ai pas vu Robot truc, ouais là? Après je pense que c'est après la trilogie de la vengeance qui est allé ailleurs avec une comédie. I am a cyborg and that's okay, je crois que c'est ça. Après ça, il a fait Thirst. Ouais, qui est malade, ouais, qui est excellent. Que j'ai vu Fantasy, très bon. Ouais. J'ai perdu un peu dans les dernières années. Mais... Ben, le dernier film qu'il a fait, c'est une production américaine. OK. Et c'est Stoker? Ah merde, j'avais dû faire mes... Ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça le titre. Nicole Kidman joue là-dedans. Oh. Et c'est très bien, c'est très bien, c'est un très bon film, mais encore une fois, on est dans le gros symbolisme et tout, mais on n'est pas tout à fait au niveau de sa trilogie de la vengeance. On est juste un petit peu à côté. Que je connais-tu avec Nicole Kidman? Ben, tu vois, non, je sais pas, peut-être. Ben parce que moi, j'ai un côté très sapio-sexuel. Hein. Sapio-sexuel, ça veut dire que ce qui est turn-on, c'est l'intelligence de la personne. OK. Donc, ton contact que tu as avec est... c'est bon. Fait que, tu sais, moi, mettons, quelqu'un qui me turn pas on intellectuellement, j'aurais de la misère. OK. Ouais. Fait que je sais pas si Nicole pis moi... Faudrait qu'on passe une soirée ensemble pour voir... Tu sais, si, mettons... Là, écoutez la gang BMX ensemble. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Si, mettons, j'y parle de jeux vidéo, pis elle fait « Ah, c'est bébé, ça! » Pis là, je ferais comme « Ah, ben, je pense que ça marchera pas. » OK, toi, tu dessines des petits bonhommes, là. Ouais, ça marchera pas. Genre. OK. Toi? Non. OK. Bonne réponse. Bonne réponse. Bon, ben, c'était notre premier épisode. Comment tu trouves ça a été? Mouvementé. Je t'ai brassé à la cage un peu. Hein. Je l'ai déstabilisé. Non, ça va. C'est de revenir, là. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais. OK. On se dit-tu le prochain... On essaie des choses, là. Le prochain épisode dans 2 semaines? Il va arriver quand il va arriver, mais pas dans 2 ans. OK, c'est bon. Avant 2 ans, ça, c'est promis. Ben oui. OK. Merci d'avoir de nous écouter si vous êtes encore si vous avez toffé. On va être meilleur, on va dire la même chose qu'on a dit le premier épisode, on va être meilleur, ça va mieux aller. Ben oui. C'est comme quand tu joues... un nouvel environnement aussi. C'est vraiment le feeling là, c'est comme quand tu joues un jeu vidéo genre mettons un Final Fantasy là. Mm-hmm. Puis là t'as arrêté de jouer pendant 2 ans, puis tu fais comme asti, j'ai jamais fini ma game. Que j'ai envie de finir ma game, puis là, t'en reviens. Là, tu te rappelles plus du système de combat, tu te rappelles plus, genre, ton équipement, tu te rappelles plus rien. Mais Chris, après une couple d'heures, là, après une couple de shots, ça leur revient, fait que c'est OK. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir écouté ça. J'espère que je vous ai pas trop traumatisé avec mes histoires d'auto-suçage, mais je suis fucking content, man, que tu sois venu chez nous. Oui, merci. Merci de m'avoir relancé pour qu'on reparte ça. Ouais, dans ma cave à l'étage. Je t'aime. Je t'aime. Et... Je ne suis pas avec toi. Non, moi non plus. Ça okay, on s'entend cool. Là-dessus. Hey. Ouais, ça, on est cool là-dessus. Je pense que c'est bien de me trouver au clair. Ben, à la prochaine. Bye. Bye.